Non, non, non, tu n'es pas petit. Écoute en si ma fille, mon gars. Écoute ben, c'est cher comme ça. Grande vie, écoute le bien quand il te prend la main et dis des fois en ton destin. Écoute ton si mon ami bien cher, car c'est toi qui le rend prospère. Non, tu n'es pas le fils de millionnaire. Non, tu n'es pas la blanche du fils de millionnaire. Tu n'es pas le fils du président des États. Non, tu n'es pas la fille du bar. Mais quoi, il est contre la contraception. Mais tu vaux mieux que tout ça. Écoute-toi aussi, écoute-toi aussi, et gobe bien.